On va accueillir Patrick Chevalier de Lille. Ta fréquence, s'il te plaît. Non, c'est Patrick Savachier. Je suis effectivement de Lille. La fréquence, c'est 95.2. 95.2, ok. Bonsoir à toi. Bonsoir. Fabienne Aigou. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir Agnès. Donc de Marseille, la fréquence. Ma fréquence, c'est 103.1. 103.1, ok. Mademoiselle Christine d'Angoulême. Ouais, alors moi, c'est Mme Christine. Et ma fréquence, c'est 97.8. Ok. Bonsoir à toi. Et bonsoir. Pierre quoi? Belbourg. Belbourg, Damien, 40 ans, je pense. Ouais, à peu près. Ouais. Ta fréquence? 95.2. Ouais, ben, à mon avis, essayez pas de chercher des fréquences parce que moi, je vais les trouver. Moi, je garde les fréquences que vous me donnez, hein. Et je vais les trouver après. Ouais, le deuxième débat va porter sur les stars télé. Que celui qui a une radio derrière est payé de l'éteindre tout de suite. C'est moi, c'est moi. Je vais l'éteindre. Oui, ça sera mieux pour toi. Voilà. Ok. C'est fait. Parce que si tu veux écouter, tu raccroches et tu l'écoutes dans ton lit. Alors, quels sont pour vous les acteurs ou actrices considérez-vous comme des stars télé? On va demander à Patrick Cavalier. Je dirais Rocco Siffredi. Laure Sinclair aussi, j'aime bien Laure Sinclair. Ouais. Sinon, je sais pas. Tabata. Dans les vieilles. Qui ça? Tabata Cash. Ah bah oui, bien sûr. Et dans les plus vieilles, pour ceux qui aiment un peu, il y a Brigitte Lahaie aussi, mais elle est pas très fraîche. Non, Brigitte Lahaie fait du porno, d'accord? Ah, pardon. Après, j'ai une question. Faut pas confondre, parce que de toute manière. C'est pas elle qui fait du porno. De toute manière, on va pas parler de films porno ce soir. Oh. J'aimais bien aussi les deux qui faisaient tourner Manège. J'étais fan, là, Fabienne Egal, Emma et l'autre, là, la porno, c'est deux lesbos. Ah, aussi? Toi, tu commences à te calmer, Pierre. Non, mais il a raison. C'est dans le porno, alors. Des lesbiennes, elles faisaient du porno. Mmh. Non, mais je pense pas. Fabienne Egou. Oui, je voulais dire que c'était faux. Et que. Non, mais tu réponds à la question. Bah, moi, je pense que Daniel Gilbert, Evelyne Leclerc, Karine Cheryl ont fait une grande carrière à la télé. Et pour moi, ça reste mes préférés avec également, je sais plus comment elle s'appelle, mais ça va me revenir, Mireille Darc, voilà. Mireille Darc, c'est plus cinéma que star télé. Hein. Ouais, elle a fait quand même à la télé. Ouais, mais c'est pas pareil. Hein. Pardon. D'accord. D'accord. Mademoiselle Christine, Madame Christine, pardon. Oui, merci. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Bon, alors, mon idole, c'est quand même Julia Chanel. Oh là. Mais, qui Julia Chanel. Ah, j'avais oublié. Ça m'énerve, ça. Qui, celui-là? C'est une bonne. Eh, Manu, tu m'envoies ma cassette, d'ailleurs. Attends, celui qui commence à gueuler, il va virer. Gérard, en attendant, il y a Corben sur IRC, il te demande si Sandy c'est une star télé ou une star Trek. Alors, pour répondre à la question si Sandy c'est une star télé ou une star Trek, je la mettrai plutôt sur Star Trek. Elle a le clip de Star Trek. Comment, Pierre Bellour? Ah, j'ai rien dit, moi. Ouais, ben, je crois que tu as te calmer, toi, parce que sinon, tu as viré. Non, mais c'est pas moi, j'ai pas parlé, non. Ouais, Tony, au revoir. C'est pas Tony. Non, attends, ça, c'est pas Tony, hein. C'est, je te jure que non. Non, écoute la voix. C'est pas Tony, là. Non, c'est pas Tony, non. Il a effectivement une petite ressemblance, mais c'est pas Tony. Non, attends, je te le dirai. Non, moi, je suis pas un beau gosse, moi. Ouais, tiens, à peine. Hop, au revoir. C'est Goldo. Mais non. Ouais, ben, Goldo, au revoir. Voilà. Au revoir. Goldo. Au revoir. C'était Goldo. Ah non. C'était Arnett. Ah non. Bon, bah c'est pas grave, on s'en fout, on continue. C'est bon. Madame Christine, d'Angoulême. Ouais. Bah alors, sinon j'ai été très influencée par toutes les stars de AB Productions quand même. Faut pas oublier, hein, tout ce qui est Christophe Ripper et tout. Ouais. Franchement, lui. Ah ouais, non, trop. Anthony Dupré. Non, mais attendez. Ah, Marc, merde. Attendez. Ouais. À la place de Pierre Belbourg, on accueille Anne Leclerc, 19 ans, d'Ajaccio. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Rigé, bonsoir Max, bonsoir Rigo, bonsoir Manu, bonsoir Apolline. Salut. Anne Leclerc. Salut. Ta fréquence, s'il te plaît. Salut toi. 101.9. Salut toi. Salut. T'as pas un truc sur ta cheminée, non? Bon, 109. Homosexuel. 109. Bon, 109. Ça pue la piste, là. Oh, ta gueule, toi. 109, GG. Oh, ouais, ça tu dis, ça pue la piste, tu vas fermer ta gueule, toi, espèce de poupiasse. Elle a dit, ça pue la bite. Ok. Madame Christine, pardon. Mais je viens de répondre, hein, j'ai. Bon, ok. Anne Leclerc. Oui. Donc, pour toi. Bah écoute, comme j'étais en antenne. Non. C'est moi qui commande, les autres vous fermez vos gueules. Ouais, je pense que c'en est pas la première. Les autres vous fermez vos gueules, c'est moi qui commande. Voilà. Ceux qui arrivent, je répète la question et après vous vous démerdez. Ok, en de bon entendeur, salut. Il y a une question hier, c'est à moi. Non, c'est juste une réflexion, il y a Yankee, il trouve que ça sent le chien mouillé d'un coup. Ouais, bah c'est pas grave. Au contraire, faut mieux sentir le chien mouillé que des connards. Non, mais c'est normal, hein. Quels sont pour vous les acteurs ou actrices considérez-vous comme des stars télé pour Anne Sinclair et donc maintenant c'est à toi. Bah écoute, la personne que je pourrais considérer comme un acteur et une star télé, ça peut être le Big Bill. Parce que pour moi, c'est un extraterrestre qui est vraiment très mignon. Bien vu, mm-hmm. Beau. Et j'adore le Big Bill. Et donc voilà, pour moi, c'est considéré comme une star. Bon, alors Fabien... Anne Sinclair. Oui, Leclerc. Je te coupe, Anne Leclerc. Je préviens à Madame Christine et à Fabienne. Vous vous calmez, sinon je vous vire toutes les deux. Ah, moi, je n'ai rien dit. Hein. Ah, on dit rien du tout, là. Hein. Non, mais fais gaffe, Fabienne, parce que je reconnais un peu ta voix quand tu dis des conneries. Ah, okay, non, c'est pas moi. Hein. Alors, en deux bonnes, je te préviens, c'est en la dernière. Bonjour, salut. Voilà. Voilà. Bon, on peut continuer maintenant. Alors, donc c'est à moi de répondre maintenant, parce que tout le monde a répondu. Mm-hmm. Alors, quel acteur ou actrice le considérez-vous comme des stars télé? Moi, bon, c'est vrai que je mettrais bien le star system. Hein, Manu, qu'est-ce que t'en penses? Je vais te dire ouais. Mmh. Hein, notre chef, qu'est-ce que t'en penses? On pourrait le mettre en premier. Technomark. C'est Technomark. On pourrait. Hein, et puis même avec Delarue, pourquoi pas? Mmh. Ouais, il y a aussi Bernard Ménez. Non. Oh, mais... il tue, lui. Non. Ah ouais, Bernard Ménez. Moi, je préfère vous dire une chose. Je mettrais Max avec Jean-Luc Delarue. Non, exactement. Ils valent quand même pas Bernard Ménez ou Olivier Lejeune. Non, mais moi, je vais vous dire une chose. Normalement, ce soir, on devait avoir deux sosies. Ils ont pas pu venir. C'était le sosie de Jean-Luc Delarue et de Florian Gazan. Ah, merde. Oh, putain. Et on dit pas putain, on dit maman travail. Voilà. Voilà pour ceux qui viennent dire ça. Ouais. Mais attends, donc, deuxième question. Attends, Gégé, t'as oublié de parler de Roland McDan quand même. Voilà, oui. C'est aussi une pointure. Il y a Darry Cole. Darry Cole. Darry Cole, c'est un chanteur. Daddy Cole. Cole. Ouais, ben. Henri Salvador. Ouais, c'est ça, c'est un chanteur. Et Olivier Lejeune. Alors, comment devient-on une star? Comment? Apolline en star télé? Non, mais vous êtes starvé? Oh, bah si, pourquoi pas? Non, mais vous êtes starvé? Mais vous êtes starvé, là? Elle a un physique, hein, quand même. Moi, je dis qu'elle est bonne, donc ça va passer, quoi. Apolline a un physique de star. Oh, elle a même pas un physique de star, elle m'a fait un caca de merde au premier débat. Elle est parfaite pour la télé, elle est bête, elle est bonne. Elle est même pas faite pour le standard. Allez, Gérard, est-ce que Apolline pourrait faire une gaffette? Non. Je pense. Pourquoi? Non. Comment devient-on une star télé ou autre? Tiens, Fabienne. Oui, je vais travailler. Merci pour le portable. Ah non, j'ai pas de portable. Hein. Moi, j'ai fait une école de star télé et j'ai fini première de ma promo, donc j'ai réussi à avoir un poste sur France 1 Auvergne. Donc j'ai bossé un peu en Auvergne, et puis après je suis montée à Paris, et puis j'ai fait tourner ménage avec ma copine, et puis voilà. Ouais, c'est pour ça que... Alors attends, tu fais l'Auvergne, mm-hmm. Paris, et puis maintenant tu te retrouves à Marseille. Bah là je suis un peu en retraite, parce que je fais plus de télé, donc là je suis à Marseille, ouais. Ouais, c'est ça, à 35 ans t'es déjà en retraite. Oui, la télé veut plus de moi, donc moi je voudrais bien revenir, mais ils veulent plus de moi. Ouais, tu prendrais pas les gens pour des cons? Mais non, Gérard, pourquoi? Non, mais tu les laisses. Mais non, pas du tout. Ok. Patrick Cavalier. Ça va chier. Ça va chier. Eh ben moi, écoute, je pense qu'il y a deux méthodes. C'est tout simple pour faire de la télé ou de la radio, de l'audiovisuel, tout ça. Il y a la première méthode, c'est promotion canapé. Mon sein, Gérard, voilà, c'est un problème du métier. C'est un problème du métier, on peut rien y faire. Et deuxièmement, sinon, il y a un petit peu parce que t'as fait, quoi, le harcèlement, quoi. C'est-à-dire que tu pilonnes, et puis au bout d'un moment, tu perds, quoi. Non, mais attends, je vais te dire une chose que j'ai pas fait de harcèlement. Mais promotion sur canapé, j'en ai rien à foutre. Ouais, reconnais. J'y ai passé, quand même. C'est quand même dommage à dire, mais ça existe. Ouais, ben, je sais, j'ai vu le film, mais c'est avec un chanteur que j'adore. Et que ça soit des comment canapés. Comment il s'appelle, Mickey, ouais. Sur un flipper ou n'importe où dans les nains, n'importe. Non, mais c'est quoi le chanteur, hein? Ah non, mais qui dit, on connaît pas. Hein. C'est qui le chanteur que t'adores? Michel Bruel. Non. Michel Sardou. Ah ouais, faut dire aussi que c'est un grand. Et donc, Gérard? Oui. Sur IRC, il y a Bretzel qui te demande si l'homosexualité dans le milieu de la télé est un facteur de réussite. Bien sûr. Ouais, à mon avis, ouais. Bien sûr. Je pense pas. Sur le niveau de la radio. Ah si, attends, j'en ai encore des irritations. Les auditeurs, ils peuvent répondre autant que toi, Gérard. Oui, Gérard, j'en ai encore des irritations et je peux te le dire que ça aide. C'est indéniable. Bon, alors, avant... La pommade ? En tout cas, c'est possible. Comment ? Non, mais je disais, c'est possible, hein, de... C'est Madame Christine. Ouais, ben, tu vas répondre à la question. Ben, justement, c'est parce que moi, j'ai connu ça. Justement, j'ai, grâce à la promotion canapé avec Véronique et Davina, j'ai réussi à faire figurante dans leur émission de gym. Voilà. Bon, je pense pas. Christine, tu t'écrases ou sinon je te vire. Attends, je réponds à ta question. Bon, alors tu réponds correctement et c'est tout. Et Fabienne, tu t'écrases quand les gens répondent. Je dis rien. Non, mais tu t'écrases, moi je te le dis. Bon, je répondais, je disais donc qu'on peut coucher pour passer à la télé, sinon il y a d'autres écoles, mais enfin, moi j'ai couché par exemple. Hein. Ouais, ok. Anne Leclerc. Oui, bah écoute, je pense que pour devenir une star de la télé ou autre, je pense qu'il faut que tu ailles dans une école, que tu t'inscrives déjà à l'avance, parce que sinon, si tu t'inscris pas, il n'y a plus de place. À la crèche ? Non, pas à la crèche. Tu t'inscris et puis en fin de compte, tu peux faire des études, mais faut savoir que c'est très très long. Hein. Moi, je pense que... Ça peut faire au moins 5 ou 6 ans d'études. Hein. Oula, tout ça. Bon, moi, je peux vous dire une chose que... Comment devient-on une star télé ou autre? Il n'y a pas besoin d'aller dans des écoles parce qu'il n'y a pas d'école pour faire ça. Ah si, je confirme, il y a des écoles. Oui, une école. Il n'y a pas des écoles de déboucheurs de cul de négresse? Bah, je ne sais pas, t'as l'air spécialisé dans la question, donc... Ça, c'est limite, ça, quand même. Bon. Ouais, grave. Pour vous dire que, à mon avis, non, je pense pas. Il n'y a pas... Comment devient-on une star télé ou autre? Donc, c'est les responsables qui s'occupent de ça, donc c'est comme pour devenir animateur radio, c'est pareil. Faut bien préciser ou autre. Oui, pour ou contre les stars de télé, alors j'ai un petit sondage, 41% des gens sont pour la télé, mais contre les stars. Là, je comprends pas. 41% des gens sont pour la télé, mais contre les stars. Mais... qui c'est qui a été me choisir ce... Non, mais c'est simple, hein, la réponse. Non, c'est qui là mais c'est qui? Je crois que c'est Olive, en fait. C'est moi. Alors, 32% des gens sont contre la télé, mais pour les stars. Oui. Tu peux me préciser, là? Alors, c'est-à-dire qu'il y a 36% des gens qui sont effectivement... Non, 32, oui, que j'ai eu au téléphone, et qui étaient donc contre le fait d'avoir une télé et de regarder trop souvent la télé chez soi. Ouais. Mais pour autant, c'est vrai qu'elles apprécient énormément de lire dans leur magazine préféré des trucs sur les stars. Voilà. Ouais, mais... Tu vas certifier des mecs, de toute façon. Ouais. Ta gueule. Non, quoi, Manu, s'il te plaît. J'ai rien dit. Toi, tu vas rentrer. Tu parles... Vas-y, on y va. Olivier, c'est toi qui as choisi aussi 41% des gens sont pour la télé, mais contre les stars, tu peux me préciser? Alors oui, on peut en parler ensemble, effectivement. 41% sont pour la télé et contre les stars, parce que 41% veulent effectivement bien regarder la télé, ils aimeraient bien avoir plein d'émissions à la télé, mais ils supportent pas que les gens soient des stars, ils supportent pas qu'on parle toujours d'eux, contrairement aux autres. Voilà. C'est vrai, c'est ouais, vrai. Mais, ah, je les comprends, moi je les comprends. Ouais, attends, mais alors, dans ces cas-là, s'il vous plaît, les oui, auditeurs, dans ces cas-là, vous me laissez finir. Dans ces cas-là, on parle de paparazzi. Oh, ah, mais c'est ça. Olive. Hein? Donc, oh, s'il vous plaît. Bestial, Olive. On se calme. Coupons les, s'il te plaît, Manu, là. Merci. 17% des gens ont des stars, mais n'ont pas de télé. Alors, je voudrais que tu me précises un peu là-dessus aussi. En fait, ça, c'est parce que. Je pense que, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est parce qu'on a appelé aussi dans ces gens forcément des stars. Et ces gens qui sont des stars n'ont pas de télé chez eux. Et voilà, ça donne ça en fait. Voilà, c'est des, ouais. Donc c'est des stars. Et 10% des gens regardent Fun TV pour être sûr de ne pas voir de stars. Faut bien que tu expliques aux gens. C'est super simple. Si tu regardes Fun TV, c'est sûr de ne pas voir de stars. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de star. Parce qu'il n'y en a pas. Bah attends, ouais, attends, quand tu vois soit moi ou soit Max, c'est vrai. Ou tu vois. C'est plutôt un trou noir qu'on te voit, hein, qu'une star. Non, Max, c'est carrément noir. Ah, mais alors, c'est quoi, toi? Je sais pas ce que t'en penses, quoi, toi, mais. Non, mais quand tu vois. T'as bien vu, à un moment donné, t'avais Bart. Paye ta star. Oh là là. Ne fais pas ça parce que je te mets une gaufre, toi. D'accord. Donc, quand tu vois Morgane, tout ça, Bart... Alors, moi, je pense qu'il y a aussi, dans les sondages, une part d'erreur, tu vois. Et cette part d'erreur, elle est là. Ouais, bon, bah. Bon, enfin... Tu vois, c'est comme dans une émission, il y a une part d'erreur. La part d'erreur, ici, c'est toi. Bon, bah, dans ces sondages, il y a une part d'erreur, c'est ça. Ouais, bah, c'est peut-être, ça vient peut-être de toi aussi. Peut-être. Bon, on y va, là. Donc, troisième question. Auriez-vous déjà été une star de la radio ou autre? On va demander ça à Patrick... Savachier. Non. Patrick Savachier, au revoir. Bah, écoute-moi. Il y a un petit problème. Ah, écoute-moi, GG. Tu m'entends, là? C'est technique, ça, Gérard. Allô, GG. Savachier. Donc, c'est bon, je peux y aller, là? Bah, vas-y, accouche. Dans ma crotte. Moi, j'en ai rêvé. Depuis des années, depuis longtemps. Mais j'ai jamais réussi à accéder à mon rêve. Et donc voilà, j'ai fait comme t'as dit, hein, j'ai foncé, mais pas moyen de passer, quoi. Manu, tu t'amuses pas à changer les voix des auditeurs? Tu peux pas changer les voix des auditeurs, Gérard. J'ai une voix de Dark Vador, là. Tu peux changer ta voix, si tu veux, mais pas celle des auditeurs. Fabien Égou. Oui, alors bonjour, moi, je n'ai pas du tout un physique pour faire de la radio, donc je me contente de faire de la télé. Voilà. Ok. Madame Christine. Bah ouais, mais moi je croyais que, tu vois, j'ai eu une désillusion, tu vois, en croyant faire de la figuration en faisant de la gym avec Véronique et Davina, je croyais que j'allais devenir une star, mais en fait non, tu vois. Non, Manu, tu vas morfler. J'ai rien fait. Ouais, non, tu vas morfler, je le sens. Comment tu veux que je change la voix des auditeurs, Gérard? Je le sens. C'est pas possible, hein. Je peux pas. C'est un problème de technique. Bah, c'est pas le jeu qui touche sur les boutons. Hein. Ouais. Ouais, tout à l'heure, je vais te toucher sur un bouton, toi. Toi, Anne Leclerc, je vais te toucher sur un bouton. Pas de problème. 2h05, qui c'est qui reste à répondre? Anne Leclerc, avant de passer à la quatrième. Oui, pas de problème. Donc, auriez-vous déjà été une star? Bah, écoute, quand j'étais bébé, oui, j'avais tellement une belle peau et puis un beau physique que tout le monde voulait. Il y avait plein de photographes qui voulaient me prendre en photo. Et j'étais vraiment remarquée par les photographes. Et depuis? Et depuis, c'est toujours pareil. Je suis courtisée. Dès que je suis dans la rue, ça y est, il y a les journalistes qui viennent me chercher pour prendre des photos. C'est pas mytho. Pourquoi? Je peux être considérée comme une star et avant, j'étais déjà aussi une star. C'est parce que t'es étrange, non? Ouais, je pense. Non, c'est pas la question d'être étrange. Ouais, je pense. On peut avoir un oui, 5 minutes. Sinon, il y a Rip sur l'IRC qui dit que s'il n'y avait pas de star à la télé, il est pas con. Est-ce que la télé serait autant une star? Alors là, la question, c'est vrai que pour faire de... Attendez, laissez répondre Gérard. Vas-y, Gégé. Non, mais c'est pas évident parce que c'est vrai que même sans télé, on peut pas devenir une star. Mais pourquoi? Non, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Non, je crois. Quatrième question. Non, attends, Gérard, il y avait un truc que je voulais te demander. C'était. Excuse-moi, Apolline. Oui, merci, Olivier. Non, Gérard, moi je voulais te demander un. Vas-y, Apolline. Bon, attention. Oui, Gérard. Gérard, il y a un truc que je voulais. Bon, moi aussi. Non, à la place de Patrick. Non, attends, Gérard, tu as fait. C'est moi qui commande là. C'est le vrai bordel, hein. C'est moi qui commande. Alors, Apolline, oui, le tank, que je lance la ZIC. Oui. Tu vas me faire une liste propre. Et on va recueillir les auditeurs. Et il y a une question hier, c'est juste avant, toi tu te tais. Non, c'est, toi, c'est pour que tu réagisses toi à la question que tu as posée, t'as pas répondu toi. Ouais, non, mais parce que toi t'es devenu une star quand même, et t'en parles pas. Donc je voudrais juste savoir ce que toi t'en penses. Je sais que c'est un peu délicat d'en parler pour toi, mais. C'est un peu ce que demandent les gens sur l'IRC d'ailleurs. Voilà, alors. Ben comment que je suis devenu une star de radio, c'est grâce à Max, et il est pas là pour le confirmer, parce que grâce à lui, c'est vrai que tous les jeudis, je lui fais sauter son audimat. On est arrivé la semaine dernière à 9998. Et là, tout à l'heure, qu'on a repris juste au deuxième débat, on était déjà à 9453. Donc, Max, quand il vient le soir, lui, il arrive à 150 quand il finit. Il a même pas 300 auditeurs. Tu veux pas lâcher un peu l'internet là un peu. Donc c'est grâce à lui si je suis là. D'accord. Mais par contre, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie? Ce qui a changé dans ma vie, c'est que maintenant je peux me permettre de faire ce que je veux. Et c'est pour ça que c'est un peu ton papa en fait, Max. Voilà. D'accord. Moi j'ai entendu dire que en fait il y avait des fans qui s'arrachaient tes t-shirts, mais c'était pas pour en avoir un bout, mais pour les laver. Alors là, toi, tu vas te faire sauter, toi. Bah, c'est ce que j'ai entendu dire. Ouais, ouais. Et alors, Léon, c'est des cons. Voilà. Donc, on pose la quatrième question. Non, alors, à la place de Patrick, ça va chier, on accueille Casimir, 30 ans de Bruxelles, un Belge. Ah, enfin un Belge. Oh. Ouais, bah, tu me referas l'affiche. Hein. Ça roule. Tu me feras l'affiche. Donc, Casimir, bonsoir à toi. Casimir. Bon, il est pas là, donc c'est pas grave. Normalement, il doit être là. Bonjour. Casimir. Oui. Bonsoir à toi. Bonsoir, Gérard. Donc, tu veux répondre à la question ou pas? Ben, je dis pas la fréquence. Ben, ta fréquence à Bruxelles, c'est quoi? Ben, c'est 170.7. En français, c'est 170.7. Et en euros, je sais pas, les chiffres ne sont pas parvenus. Bon, je pense que t'es en train de me prendre pour un con. Doit-on être riche pour être star avec l'euro? Et on s'écoute grave. Moi, je pense pas, quoi. Gabriel dans l'euro avec Mirouf a transformé Drucker en God ceinture. Et on se retrouve tout de suite après au 0803-08-5000. Et voilà, vous venez d'écouter Gabriel dans les studios avec Mirouf a transformé Drucker en God ceinture. Et vous êtes toujours sur Fun Radio au 0803-08-5000. Il y a Olivier. Et Apolline qui vous y attend. Ouais. Et Manu à l'AREA et toujours www.fr. Monsieur Rigaud. Bonsoir. Donc sur IRC, vite fait, il y a Yankee qui te demande si c'est vrai que tu vas passer dans un remake télé de Godzilla. Non. Qui s'appellerait God Ceinture pour être une star comme Big. Non, Kid. Mais moi, ce que j'aurais bien voulu, avant qu'il s'en aille, viens là, le chef, là. Moi, j'aurais bien voulu que le chef, il me fasse rencontrer un jour Jean-Luc Delarue et pour de vrai, comment que tu l'appelles Gazon. Florian Gazon, qui était parmi nous quand on était à Neuilly, qui présentait les infos. Ah oui. Qui était dans l'après-midi. T'aurais quoi, le rencontrer? Ouais. Bah ouais, mais je le connais pas, moi. Bah si, tu le connais. Je connais pas un gazon. Ben, moi, je l'ai jamais vu encore. Bah moi non plus, je le connais, je l'ai déjà eu deux, trois fois au téléphone, mais je le connais pas. Bah si, tu l'as déjà vu, il était à Neuilly. Ah oui. Et de la rue, ça va être plus dur. Ah ben ça, tu te débrouilles, hein. Tu te débrouilles, hein, même si... Non, on devait avoir le sosie ce soir qui devait venir, les deux sosies, mais ils viendront sûrement la semaine prochaine. Ah ouais, mais donc moi, on fera peut-être un débat sur les sosies. Bah non, on l'a déjà fait. On en fera un autre. Ah, tu l'as déjà fait deux fois, les portables. Bah ouais, il est 35 heures. En tout cas, les sosies, tu te souviens, c'est ce qui avait quasiment été le meilleur score. Hein. Ouais, je crois que c'est sur IRC, c'est ce qu'on avait fait le mieux, je crois. À l'époque. Non, mais là... n'existait pas. Là, on est combien, là, maintenant? Je sais plus, on est 9022,8. On a regardé 900, non? Il y a un nain qui doit se tromper, qui doit se balader. Non, c'est pas grave. Donc, doit-on être riche pour être star avec de l'euro? Donc, on va demander à Fabienne Égout. Je pense que quand tu deviens une star, ouais, tu deviens riche et tu t'enrichis en euros. Voilà, mais tu peux préciser là parce que. En fait, avant, on était payé en francs, maintenant on va être payé en euros, et comme l'euro ça vaut 6 fois plus cher, on va gagner. Attends, plus. Combien à ton avis le. 55,97. Ah, donc t'es bien d'accord avec ce que j'avais dit sur le débat sur l'euro. J'avais pas écouté ce débat, mais je pense que j'étais d'accord avec toi, ouais. Ok. Madame Christine. Ouais, écoute, je te pose la question dans l'autre sens, mais parce que là, tu vois, je suis très riche, mais en même temps, je suis pas star de télé, hein, donc il suffit pas d'être riche pour être star de télé, mais je pense que quand on est star, on peut être riche, ouais. Non, mais justement. En euros aussi, ouais. Ouais. Ah, en euros ? Ouais. Ouais. Ok. Voilà, mais c'est qui, là, qui renifle comme un bouc, là ? je crois que ça doit être Anne Leclerc. Ah non. Tu peux hésiter de dire des conneries sur moi. Bon, Anne Leclerc, pour l'instant, tu fermes ta couenne. Ta boîte à camembert. Non, j'ai pas sur, une boîte à camembert. Ta bouche. Sur IRC, il y a Arnette Aouet qui te demande si c'est vrai qu'il va tourner dans le dîner de con numéro 2 et que tu serais l'invité de Jacques Villeray. Non, parce que le dîner de con, il est déjà sorti. Non, mais le 2. Il est déjà sorti. La revanche. Pourquoi pas le 3 ? Non, Gérard, la suite du dîner de con. On disait la suite, ah oui. il y a la dîner de con qui est sortie et il pensait qu'il non, le 2, le un 2. Super con pour le dîner de con. Non, pourquoi qu'il te prendrait pas, toi, Olivier ? Ah, ben ils ont hésité entre toi et moi. Non, mais ferait mieux de te prendre parce que toi, t'es vraiment un con. Ah, là, tu m'as cassé. Voilà. Anne Leclerc, Mastoc d'Ajaccio, 109. Ouais, c'est bon, on en rajoute pas. 101. Je vais pas remarquer après. Oh ! Manu ! Wow. Allô ? Il adore. Merci. Bon, alors, Sandy. Tu es toujours là ? Ouais. Donc, je suis pas partie. Allez, non, t'es. Ok. Sandy ? Oui. Donc, moi, je pense qu'on devient, enfin, on n'est pas riche, mais on peut le devenir à force de faire des photos. Enfin, ça dépend. Tu peux aller dans les plateaux télé. Tu peux devenir riche. Mais tu l'es pas au début. Ouais, mais. En même temps que tu fais des choses, tu peux devenir riche. Et à ce moment-là, tu peux te faire tout ce que t'as envie. Non, mais je pense qu'il y a un petit problème là-dessus, c'est que... Ah faux. Non, écoute, il n'y a pas de problème. Si, c'est faux. Si, il y a un blème. Ah non, je te réponds. Il y a un blème. Non. C'est faux. Ah non, je suis pas d'accord. Mais oui. Moi, je suis pas forcément sûr. Enfin, je sais pas si tu penses, Gérard. Non, mais de manière impossible n'est pas français. Non, mais c'est incroyable. Non. C'est vrai. Non. Casimir. Oui, écoute, moi je ne suis pas bien riche, hein. J'ai juste ma peau orange en sky avec des petits points jaunes. Faut dire, j'étais pas né comme ça, c'est en couchant avec Sandy que c'est arrivé. Bon, alors Casimir, au revoir. Ah, il y a un blème. Voilà, au revoir pour Casimir, ça t'apprendra. Ça y est, je suis démasqué. Sandy, voilà. C'est du gloubi-boulga. Attention entre Christine et Gou, parce que je pense que vous allez dégager aussi. Ah ouais. Alors Christine, elle est cool. Oui. Non, mais restez calme un peu. Alors cinquième question, doit-on être riche pour être une star de toi? Toi, t'étais riche. Doit-on être riche pour être une star avec de l'euro? Non. Non. Bon, de toute manière. Tu penses capitaliser plus en euros ou en SICAV monnaie fonds monétaire? Non, mais même, de toute manière. 4,40, pour l'instant, il est en train de couler, donc on n'en parle pas. À propos d'euros, il y a Perforas sur l'IRC qui a une bonne question bien toute naze. Il te demandait si les animateurs d'Eurosport sont payés en francs ou en euros. La question, la réponse, ils sont aussi bien payés en euros qu'en francs. Hein. Et en sport. Gérard, à la place de Casimir, on accueille Hugo Délire, 20 ans de Arras. Bonsoir à mon pote Gégé de Fun. Mon pote Gégé de Fun. Bonsoir mon pote. Salut. Bonsoir toi. Ah, c'est Hugo. Hugo Délire, ouais. Alors, attends Hugo. Quoi? Ça tombe bien là, justement je vais faire une petite parenthèse. Pourquoi? Ça t'amuse de me faire chier sur mon téléphone toute la journée? J'ai pas de chance, j'ai dit ça au hasard. Alors Hugo, c'est pas la peine. Non, je veux pas de toi. Au revoir. C'est con, hein. Voilà, manque de peau. Pas de moule. Alors ça, putain, tu prends son numéro de téléphone, Apolline. Tribunal. Tu me le laisses. On va s'amuser avec lui. On va bien se marrer, mais ce serait bien que t'enchaînes. Donc alors. Ah Gérard, sinon sur IRC, il bien qu'il enchaîne. Il allait enchaîner. Ouais, c'est vrai, on m'a dit que t'allais enchaîner. Voilà, on va laisser enchaîner. Non, enchaîne. Non, oh! Ouais, vous non, éteignez rien, vos micros. Il n'y a rien. Y a rien je vous sais. Laissez parler Rigo maintenant, s'il vous plaît. Voilà. Vas-y, ça y est, c'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de questions, il n'y a rien du tout. Bah si, il y en a plein, mais bon, on va se laisser continuer, je la poserai après. Ok. Alors, non, mais vous le faites exprès. Non, mais attends, Apolline, fais-moi confiance, toi, je viens de te voir, t'as repris personne. Mais si, donc, Gérard. Non. Mais Gérard, on y va, là, vas-y, reprends. Alors, doit-on être riche pour être une star de télé? On va demander ça à Fabienne Égout. T'as déjà répondu, Gérard. On a déjà répondu, Gérard. C'est ta dernière question, Gérard. Sixième. Dans quel genre de film une star télé peut jouer? Mm-hmm. Merci pour le portable. C'est Gérard. Lui, ouais. Tu sais qu'avec un portable... C'est pas grave, mais qui répond à la question? On va demander ça à Fabienne Égout. Je pense que ils peuvent jouer surtout dans les films comiques. Parce qu'ils sont plus amenés, durant les émissions, à être amenés à confronter le comique de scène. Il y a un micro en tête, non? Tu vois ce que je veux dire? Bon, Oui, je sais. Donc, Fabienne Égout, tu peux repréciser, parce que là, on a eu des petits problèmes et j'ai pas très bien... Bon, Gérard, à la place de Hugo Délire, c'est Olivier qui l'a sélectionné, c'est Rigo Délire qui appelle. Oui, bonsoir, rien à voir. Salut. Bonsoir à tous. Salut Rigo. Ah, ouais, c'est ça. Non, c'est non. Ça. C'est Olivier qui l'a sélectionné. Bien sûr. J'ai rien sélectionné. Non. Mais ça va bien. Non. Regarde TF1. Ouais, bah, pour l'instant, tu vas t'écraser. Ok. Non. Parce que là, Et si on continue le débat, ça commence à bien faire. La question, la réponse. Fabienne Égout. Oui, Gérard. Donc, je te disais qu'ils étaient plus amenés à faire des films comiques, dans le sens où ils sont plus amenés à confronter le comique de scène durant leurs émissions vis-à-vis des invités, du public et de la scène du spectacle. Mmh. Donc, tu veux faire... Je veux faire illusion, par exemple, à Muriel Robin, à François Cluzet, enfin, tu vois, des gens comme ça, quoi. Non, mais attends, François Cluzet, qu'est-ce qu'il fait comme émission, lui? Ah, mais regarde pas François Cluzet. Attends, Fabienne. Mm-hmm. Tu veux bien dire François Cluzet? Oui, je t'ai dit François Cluzet. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait comme émission? Il fait une émission sur la 3, mais ça commence par la marche et ça finit par du siècle, mais je vais pas te dire parce que j'ai pas le droit de dire des marches. Bon, c'est la marche du siècle. Ouais. Je m'en fous, je peux me permettre de le dire, j'en ai rien à foutre. Ah parce que dans ces cas-là. Bah, on peut avoir des problèmes. Non, mais dans ces cas-là, on peut aussi signaler. Dans quel genre de film une star télé peut jouer? Dans ce cas-là, tu prends même un chanteur qui joue, tu prends Johnny Hallyday ou Michel Sardou. C'est pas des acteurs, ça. Non, mais de toute manière, ils ont tourné dans des films. C'était des navets, c'était. Non, c'était mais attends, pourri. Michel Sardou, il a tourné dans Duo sur canapé. Bah, que des merdes. Johnny Hallyday, il a fait un film Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bah, une merde. Et Bruel, il a tourné dans Le Jaguar, une merde, il se prenait pour une panthère. Non, il a tourné dans deux films, justement, lui. Ah bon? À la place de Rigo Délire, on accueille Eastwood, 23 ans, de Compiègne. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Les débats. Est-ce que tu pourras répéter la question? Non, je répète plus les questions. Bon, je vais répondre quand même. Sur les stars télé, c'est ça? Quel genre de film? Quel genre de film ils font? Quel genre de film? Moi j'ai vu le gars jouer dans Perversion Anal à New York, où il prenait une des gassettes qui s'appelle Lucille, je crois, en double pénétration avec le mec qui joue Ramucho, là, qui joue de la trompette. Ramucho, voilà. Ah, ça fait mal. À mon avis, je crois que tu te trompes, hein. Ah, je suis sûr. Ouais, mais je crois que... Non, mais c'est vrai, hein. Anne Leclerc. Oui. À ton tour. Oui, bah écoute... Oh, ça suffit avec les portables, là, ou quoi? Allô? Je peux répondre? Oui, bien sûr. Vas-y, on t'écoute. Tu m'écoutes, Gérard, hein. Je t'écoute. Alors, moi, je pense que dans quel genre de film? Bah écoute, ça peut être aussi des films comiques, des films porno, des films intellectuels, enfin bref, tu peux avoir toutes sortes de films, hein. Ah non, c'est faux. Et fort amuse-toi qu'ils font des films, tu peux devenir une star, quoi. Mmh. Voilà, je peux te répondre. Ouais, mais... Oui, je sais, c'est un peu vague, mais bon. Ouais, c'est un peu vague. C'est la réponse que je peux te donner, hein. Regarde, Bernard Montiel, il a tourné dans Sous le soleil, hein. C'est une star. C'est différent, hein. Ah bah non. Merci Manu! Non, là c'est le standard. Mais c'est pas vrai, Gérard! Mais c'est pas vrai! Allô? Anne Leclerc! Oui? Manu, fais gaffe! Non, mais je suis là! C'est bon? Allô, allô. Ouais, c'est là, là, il est 2h25. Il reste 4 questions. Hein. 2h25, bon, bah, justement, on fait durer. Vas-y, réponds, l'invité Munster. Non, je... toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Bon, je t'ai répondu, GG. Elle pue des galandos. Question bon, suivante. Hop, au revoir pour toi. Pour qui, ça va? Pour le mec, t'as voilà, dernier pour... arrivé. Ouais. Hop, terminé, bon. C'est pas la peine. Pour la suite, tu parlais, là. Et là, tu le reprends pas sur une autre voie, hein. C'est terminé. Non, non, non, non, non, non, Apolline. Mais elle assure, Apolline. Oui, non, non, t'amuses pas avec la voix. Mais je mets la main pour non, non, dire, non, dégage. Non, non, quoi. Non, non. Bon, Gérard, là, on, là, Gérard non, non, on non, y va, on y va. Non, on y va. Non, non. Ah, quoi? On continue. J'ai le... Ouais. Le... Oui. J'ai une bonne nouvelle. En plus, t'en parlais, il y a le sosie Stéphane Orgazon qui doit venir ce soir, qui vient d'appeler et qui demandera à passer, qui a appelé dans le bureau. Ah ouais, cool. Ouais, ah ouais, super. Ah ouais, ben, tu le rappelles. Bah, ouais. Apolline. Mais tu fais pas de conneries, Apolline. Tu me prends des gens au standard. Tu t'amuses pas à changer les voix. Mais non, Gérard. Je ne continuerai pas le débat. C'est vrai, il a raison. Non, non. Eh, hey, t'amuses pas à vouloir lever la main sur un homme parce que moi je vais t'en claquer une. Oh là, ok. Sûr, hein. Alors tu vas prendre au standard, ok. Appelle Gazan. Et tout de suite. Oui, Gérard, tout de suite. Je le saisis. Hey, Gérard, tu viens demain, je t'invite au Queen. T'as été au standard. Madame Christine. Oui, eh ben alors écoute, moi je pense que plutôt les stars télé sont plutôt spécialistes dans les sitcoms, hein, les émissions très intellectuelles. Mm-hmm. Mais ils font pas trop de tragique et tout, hein, ils sont pas assez bons acteurs pour ça, quoi. Mm. Ouais, mais tu peux préciser. Bah oui, non, mais je précise en disant que c'est vrai que quand les stars télé passent... voilà, ils font surtout aussi des films genre le dimanche soir sur M6 ou alors le premier samedi du mois sur Canal, quoi. Ah, mais tu peux... Enfin, tu restes flou, comme dit Gérard, tu peux préciser. C'est vrai, bah alors... Il est là, c'est, on va l'appeler Florian Gazan, mais c'est... Ouais. Alors, il est avec un portable parce qu'il est en tournée. Hein. Ah bon, ok. Allô? Allô? Ouais, bonjour. Bonsoir. Ouais, salut. Salut. Ah ouais, je suis super content. Sort de gala, là, c'était chaud ce soir, c'était ouais. Énorme, c'était énorme. T'as tiré? Non, mais je t'écoute. Salut, Gérard, ouais, j'étais en gala ce soir, c'était génial, c'était en Angoulême, il y avait 35 personnes, un délire. Un délire, c'est une salle polyvalente, je connais Angoulême un peu. Oh, il t'écoute pas, là, il t'écoute pas, il fait du Larsen. Non, mais si tu t'en fous de ce qu'il dit, tu le... Mais non, non, mais j'aurais voulu savoir si t'avais vu de la rue. Bah écoute, non, j'ai vu de la rue, parce que c'est un autre sosie. En fait, de la rue, je te il demande. Il a peut-être vu sur la rue, pas vu de la rue. Non, non, ça dépend où il habite. Moi, je bosse avec Jean-Luc de la rue, c'est son sosie. On fait des galas. Là, on était à Angoulême ce soir. Bon, bah, c'est un carnage. Hein. On a déchiré tout, 35 personnes, c'était plein. C'était plein. Et moi, je connais pas de la rue, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais je connais son sosie, c'est de la rue. Quand je l'ai vu l'autre fois, il avait le slip tout jaune. Il y a du monde derrière lui en plus. Ah, ouais, ouais. C'est pas lui. C'est pas Gérard. Sinon, pour calmer un peu le débat, il y a Perforas qui dit que le jour où tu seras une star de la télé, les GG auront des dents devant. Moi, je l'emmerde, lui. Donc, la question, pensez-vous que les enfants peuvent devenir stars? On va demander ça à Fabienne. Toi, t'as pas répondu à la question avant. Ouais. Non, mais de toute manière, dans quel genre de film une star peut jouer? De toute manière... Toi, tu te verrais quoi dans quel film? Avant, sinon, on me demande que tu précises si c'est des films pour le cinéma ou pour la télévision. Bah, de toute manière, en principe, c'est des films télé, c'est des films... Donc, c'est des téléfilms. Non, c'est des séries. Moi, il y a une série que je voudrais bien revoir. Je crois qu'on en avait parlé mardi ensemble. C'est quand on avait bouffé. Non, chips. Tu sais, les deux motards. Ouais, avec la voiture, la K2000, là. Non, K2000, c'est David Hasselhoff, tu vois bien. Tu l'as, la musique de Chips? Ah, je peux te trouver ça, ouais, vas-y, continue. Vas-y, continue, essaye de... Toi, t'aurais bien aimé jouer là-dedans. Bon. Non, mais moi, je trouve que cette série télé était bien. Je sais pas ce qu'en pense Fabienne. Peut-être que le sosie Florian Gazan, il saurait un peu dans quoi jouer. Je sais pas ce que Fabienne en pense, Christine ou Anne Leclerc. C'est vrai que c'est un truc génial. Oui. Si on proposait de jouer un routier dans une série, tu le ferais? Dans quelle série? Bah justement, une série créée, une série encore, mais qui serait créée par rapport à toi, ou qui serait en hiver, tu serais un routier. Ouais, non mais. Pas de Gégé le routier, par exemple. Non mais quelle série? Les routiers, par exemple, ça s'appellerait les routiers. Les routiers sont sympas, je voilà. Les routiers sont sympas, c'est ça, c'est bien. Ah ouais, mais ça, c'est une émission de radio qui passait sur RTL, justement. Et c'est dommage, Non, non, attendez, c'est dommage que cette émission-là soit arrêtée. Parce qu'il faut dire une chose, que Max Meunier, c'est un gars que j'ai bien estimé. Tu l'as estimé combien en euros? Non. Attends, toi tu fermes ta gueule, d'accord? Et dans Chips, je pensais à un truc, quoi, en routier, tu pourrais très bien t'appeler Chips si tu t'appellerais Curly ou Chipster. En routier. Bon, je sais pas. Mais je sais que. Moi, Max Meunier, ça a été une. Idole. Mon idole quand j'étais routier, j'ai écouté. Allez! Pensez-vous que les enfants peuvent devenir stars et on s'écoute Chips en entier. A tout de suite après sur Fun Radio. On peut pas se le mettre plus long parce que le générique il est petit, donc voilà. Donc je pense que ceux qui ont aimé ça, ils aiment toujours ça. J'espère. Alors donc la question c'est pensez-vous que les enfants peuvent devenir stars? On va demander ça à Fabienne Égou. Oui, star de télé. C'est ça? Ouais, il t'écoute plus. Oui, s'il m'écoute pas, je vais raconter ma vie. Alors ce matin, je me suis levée. J'aimerais bien savoir. Je suis allée payer mes impôts. Bon, alors Fabienne Égout, au revoir. Non, je voulais dire. Gérard, mais qu'est-ce que tu. Quand je dis d'éteindre vos micros, vous éteignez vos micros. Ok? Ça commence à me prendre la tête, hein. Rigo, c'est pareil pour toi. Non, j'ai éteint le micro et moi j'avais une question internet de. Je sais plus comment il s'appelait là. Armé Tony, qui te demande. Bon, il a plein de questions, il te demande pourquoi tu sors avec Boss Hogg déjà. Ah, je veux l'avoir aussi ça. Et voilà. Et il voulait savoir si Roscoe Pécoltrane est de ta famille. Non, Flash. Pas du tout. Flash, alors, ouais. J'en ai rien à foutre. Fabienne Égout. Une! Et sinon, il y a Yankee qui te demande si t'es l'homme qui valait trois bâtards. Trois bâtards, moi je l'emmerde, ce connard. Ouais. Mm. Alors, Fabienne Égout, tu réponds à la question ou pas? Ah! Fabienne! Tu viens la virer, tu la vires, alors maintenant elle peut plus te répondre. Ok, alors donc, madame. Place, on accueille Giant Coucou, 28 ans de Strasbourg. Salut! Gérard, bonsoir. Donc, Giant Coucou, je t'écoute. Oui, bonsoir, c'est Giant Coucou. Bonsoir, ouais, je t'écoute. De Strasbourg. C'est tout Giant, ouais. J'appelle de Strasbourg, 98.7. Ouais. Note. Voilà. Bon, tu réponds à la question. On va un pro, alors. Les stars, oui. Les stars de télé en particulier. Les moins les filles. Les enfants, ouais. Et les enfants, je pense que non. Il faut pas les stariser trop tôt. Je suis pas d'accord. Je sais pas si tu te souviens des exemples comme Jordi, par exemple. Par exemple, j'allais en parler aussi. Ouais. Voilà, tout à fait. Ouais, mais il faut pas les stariser trop tôt. Attendez, parce que là, il y a un petit problème qui se pose. Giant Coucou et même Florian Gazan, je pense qu'il va pouvoir répondre aussi en même temps. Ah, quand même. Bon, d'accord. Le problème qui se pose, c'est que Jordi, c'est ses parents qui l'ont exploité. Ils ont carrément piqué tout son fric. Hein. Ouais, ils vont vers une ferme hein, quand même. Ouais, non, mais ils ont quand même piqué tout son fric. Ah ouais, quand même. Ouais, c'est clair. Parce que moi, j'ai vu un reportage et maintenant, le pauvre Jordi, il est malheureux. Faut qu'il passe. Il est d'être un bébé quand même. Ouais. Non, attends. Fais-moi confiance qu'à l'âge qu'il avait quand il a sorti, c'est dur d'être un bébé. 2 ans. Hein? Il avait 4 ans. C'est pas lui qui chantait, hein, c'était ton frère. Hein. Non. Moi, je peux te dire une chose qu'il a fait du fric. C'est plus ce que tu dis. Ouais, c'est ça, t'as raison, toi. Prends-moi pour un con. D'accord? Donc moi je sais que il se fait tout piquer par ses parents. C'est fou ce que tu dis. Ouais, c'est ça, t'as raison. Bon alors tu me gères ça, Pauline, parce que je commence à en avoir ras-le-bol. Je sens. Gérard. Il est 2h30. Gérard, calme. Je sens que dans moins d'une demi-heure j'ai. Gérard, sur IRC on est quand même 9428, ce qui est énorme. Et il y a Corben qui te demande. Si le petit Grégory est une star télé, et si oui, est-ce qu'il faut mourir pour être une star télé? Petit Grégory, il veut parler de... Non, Grégory, il n'y a pas de Grégory. Ils veulent parler de Jordi. Il faisait la pub pour les sacs en plastique. Oh non. C'est pas bien, là. Bon, par contre, GG, attends. Oui. Un coucou. Moi, j'ai une petite cousine qui jouait dans un des spectacles de Chantal Goya. Elle faisait une carotte magique, si je me souviens bien. Et je sais qu'après, ça lui a causé beaucoup de désagréments et qu'elle n'a pas fini très très bien, quoi, tu vois. Ouais, ouais. C'est clair. D'accord. Ouais, Madame Christine. Ouais. Je m'appelle Suzy, je fais 200 kilos et j'aimerais bien que tu me prennes le cul. D'accord. Oh là là, c'est quoi ça? Oh là là, je sens qu'il y en a un à l'arrière, il va se prendre une baffe dans sa gueule. Mettez-moi le numéro de côté, là. Gérard. c'est Florian Gazan, là, je voudrais peut-être relancer sur les enfants stars et Passe-Partout dans tout ça. Mmh. Tout à fait. Passe-Partout, c'est comment on le considérerait? C'est vrai. Ben, Passe-Partout. C'est un enfant quand même, quelque part. C'est l'enfant de Patrice Lafont. Ouais, mais on sait pas. C'est son fils spirituel, oui. On sait pas encore. Mais c'est une star quand même, hein. Ouais, ben, c'est une star, je pense. Je peux dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui lui arrivent à la cheville, hein, Passe-Partout. Ouais, ben ça, on verra par la suite. Madame Christine. Ouais, ben j'allais parler aussi de Jordi. C'est vrai que c'était très triste ce qui lui arrivait, mais il y a beaucoup d'enfants dans les séries télé, hein, je sais pas si t'as remarqué. Mm-hmm. Et ceux-là, je sais pas si on peut les considérer comme des enfants stars ou pas, quoi. Mm. Mais, ben disons, il y a Jordi qui a eu des problèmes avec ses parents qui sont pour l'argent. Mm-hmm. Sur la 6, il y a aussi une émission. La petite maison dans la prairie. Non. Laura Ingalls, hein, qu'est-ce qu'elle devient, elle? Arnold et Willy. Voilà. Oh, le petit noir. Non, mais lui par contre, il a réussi. Il a gagné son procès vis-à-vis de ses parents. Non, mais lui par contre, il s'est fait arrêter récemment parce qu'il a braqué une banque. Ouais, non, c'est grand. C'est vrai. Non. Anne Leclerc. Ta gueule! Va t'enculer, connard! Pas malin, ça. Ah, bah, c'est bien, c'est pas gentil. Voilà, comme ça, ça va plus vite avec moi. Oui. Donc, Anne Leclerc. Oui, bah, écoute, je pense que les enfants peuvent être considérés comme des stars. Parce qu'on a parlé de Jordi, ou Jordan, je sais pas comment. Jordi. Ouais, celui qui est. Non, mais on va pas parler de Jordan, notre habituel, ça sert à rien. C'est pas grave. Non, mais je pense que les enfants, ils peuvent être considérés comme des stars, parce qu'on a parlé de Jordan et on n'a pas parlé des stars, tu vois, qui fait. Non, de Jordi. Ouais, qui font les. Ok, merci. On n'a pas parlé de ceux qui font dans les magazines, tu vois, ceux qui font mannequins et puis qui se font prendre en photo. Et les enfants dans les pubs alors? Voilà, les enfants qui fait la pub de Kézak. Et la pub Evian. Et eux aussi. Est-ce que vous pensez à l'ours dans la pub Valvert? C'est vrai, on y pense. Non, mais attends, parce que en fin de compte, c'est pas un enfant ça. Si. Non, c'est un ourson et c'est un vrai. Par contre, il y a eu ses parents, ils lui ont peut-être piqué ça. Non, ils l'ont payé l'ours. Non, il y a une qu'est-ce que qui a parlé de la pub Evian là? C'est moi, c'est Florian. Non, c'est Florian Gazan qui a dit ça. Parce que je sais que sur cette pub là, c'est vrai que ils sont petits, ils ont à peine 3-4 ans. Ah, c'est pour une nage là? Ouais. En apnée? Ouais. Ah, je sais pas comment ils font. Hein. C'est ça. C'est des super bébés nageurs. Grave. Ah bah il paraît qu'ils en ont utilisé plusieurs pour le tournage et il y en a certains. Il y en a qui sont restés. Ils sont noyés, ouais, j'ai entendu dire ça. C'est ça la clé, hein. Anne Leclerc, que tu veux continuer? Non, c'était tout ce que j'avais à dire. Hein. Donc alors, les sondages, aimez-vous... Où aimez-vous... Quoi? Oh là, qui c'est que... Non, vas-y, fais voir. C'est Olivier, il est parti. Ah, il a où aimez-vous, c'est vous, les stars de télé, c'est quoi là, oh Il est où l'autre abruti là? Il a pas grave, les sondages, les sondages qui suivent. Alors 45% aiment ceux qui préfèrent les garçons. Bah ouais. Bon ça j'en ai rien à foutre. 25% aiment celles qui sont belles et intelligentes donc ne regardent pas la télé. Mmh. Et je vois pas le rapport avec avec mon débat. 15% aiment quand elles sont déguisé en autre star, je vois pas le rapport. Et 5% aiment être des stars, mais ne font pas de télé. Donc ce sondage-là, de la merde. Allez. Alors le suivant, pourquoi les stars sont-elles des stars? Alors là, c'est pas mal. Hein. Ah bah ça c'est une bonne question ça. Ah c'est une bonne. Alors question. parce qu'ils ont gagné le droit de l'être. Mmh. Ouais bref. Et d'ailleurs comment tu le gagnes, Gérard? Comment tu gagnes le droit d'être une star? En te faisant de l'argent. Tu signes des papiers ou... Non. 24% parce que les téléspectateurs l'ont décidé. Je pense que c'est vrai. C'est pour ça que la gaffe continue. Donc, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Parce que c'est trop dur de trouver une star sans télé. Or là, je vois pas du tout le rapport. Enfin. C'est-à-dire que pour les trouver, tu branches ta télé et tu regardes ta télé pour trouver des stars. Parce que sans ta télé, tu les trouves pas. Non, tu les vois jamais dans la rue, tes stars. T'as déjà vu le Big Bill dans la rue, toi? Non. Bah voilà. Parce que sinon, il ne serait pas payé. Bon là, je vois pas du tout le rapport. Sans la télé, les stars pourraient pas gagner d'argent. C'est toi, sans la radio, tu gagnerais pas d'argent. Mais alors, tu gagnes de l'argent, toi, en faisant ton standard de... Bah non, mais je suis très conne, moi. Ouais, bah t'es très conne, mais c'est malheureux. Bingo. Parce que pour l'instant, t'es en train de me faire de la merde. Ah bah merci. Gérard. Ouais. Sur IRC, il y a Esti qui te demande si c'est la série Ricky ou La Belle Vie qui t'a donné ton goût pour les locomotives. Non, parce que ça, je répondrai pas. Alors, arrêtez avec la loco parce que j'en ai ras le bol. En de bon entendeur, salut pour ceux qui s'amusent à ça. Donc, on va passer à la 8e question. Ouais. 8e. Peut-on être une star ou clown en même temps? Et on s'écoute. Mon gros Foucault avec ma date de naissance tatouée sur mon sacré derrière et on se retrouve tout de suite après au 0803-08-5000. Et voilà, vous venez d'écouter mon gros Foucault avec ma date de naissance tatouée sur mon sacré derrière. C'était bien ça. J'aime bien. Ouais, c'était pas mal comme zik. Donc la question, c'était la 8e. Donc peut-on être star ou clown en même temps? On va demander à Florian Gazan. Moi, je pense que oui, parce que c'est un peu ce que je fais comme métier, moi. Mm-hmm. Je clown un peu les stars télé. Enfin, c'est un peu le problème. Je voulais un peu témoigner ce soir à Voix Découverte là, parce que c'est pas évident. Je suis sosie d'un mec qui est même pas vraiment star télé. C'est sûr que j'aurais pu préférer être sosie de Jean-Pierre Foucault, par exemple. J'aurais gagné plus d'argent. Là, c'est la nature qui m'a fait comme ça. Si je fais pas que des gros galas, c'est pas évident. Puis en plus, ils changent tout le temps de couleur de cheveux. Moi, j'ai vraiment beaucoup de frais. Ça doit pas être facile, ouais. Mm-hmm. Ouais, là, j'ai dû me teindre en blond. Je dois retenir toutes les 3 semaines, y aller. C'est cher, et puis c'est pas remboursé par la sécu, c'est pas conventionné, tout ça. Et il est pas très connu, c'est pas valorisant, quoi, mais les gens me demandent pas trop d'autographes et tout, quoi, donc je crois que ce serait à refaire, je préférerais peut-être ressembler à Evelyne Leclerc, quoi, hein. Mm-hmm. Je dis, hein, même si elle m'a fait à une opération, hein, je le dis, j'ai pas honte, hein. Attends, Florian, c'est une question IRC pour Florian, en fait, il voulait savoir comment tu fais pour les lunettes aussi. Ah ben ça c'est je les fabrique moi-même, hein, parce que c'est pas évident. Tu sais, les mecs de Star Télé, ils sont pétés de thunes, alors ils vont s'acheter des lunettes là dans les pays super loin, genre en Belgique, hein. Moi je peux pas, hein, j'ai pas les moyens, attention, hein. Alors je les fabrique moi-même, hein, je prends dans l'atelier à papa là, du fil de fer, des bouts de bouteille, des verres. C'est pas évident, hein. C'est comme pour les habits, hein, parce que ces mecs-là, faut pas croire, hein, ça s'habille pas à moins de 1000 balles le pantalon, tout ça, hein, moi je suis pas sûr. Alors j'ai ma mère, elle fait un peu de couture, elle a une machine, alors je me démerde, hein, mais c'est pas évident, hein. Ok, Florian, on a compris. C'est pas facile. Ouais, non, mais on a compris. J'avais une question aussi pour Florian, là, je voulais savoir si c'était facile. D'être le sosie de quelqu'un comme ça au niveau thune et tout. Bah Je dis, j'ai un peu d'émotion, hein. Je suis désolé parce que c'est bon. Non, c'est pas grave, c'est normal. C'est difficile parce que être sosie de quelqu'un de pas très connu, c'est pas évident, quoi. Hein. Parce que bon, moi, je suis. Ma carrière, elle est un peu liée à la sienne. Si ce mec-là, il décolle pas, bon, ça fait quand même quelques années que j'ai l'impression qu'il est un peu dans les starting blocks. Et comment tu fais pour les lunettes? Bon, Manu, ça y est, c'est pas tes débats, bon. C'est les miens. Non, mais je m'intéresse. Non, mais attends, pour l'instant. Pour la couleur de cheveux aussi, je voulais savoir. Bon, ah. Manu, ça suffit! Je voulais savoir pour la couleur de cheveux. Ah ben, tu lui demandes en antenne, c'est tout. Ah, Gérard, sinon sur IRC, il y a Roadrunner qui dit que à ce titre, tu es à la poésie, ce que la gaffe est à la science. Ah oui, ouais, ça peut se faire. C'est faisable. On va venir cueillir Emeline Poitler de Bordeaux. Tu peux me donner la fréquence, s'il te plaît? 91.8. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Donc, t'as entendu la question? Non, excuse-moi, je n'ai pas entendu. Alors, peut-on être star ou clown en même temps? Je sais pas. Oui, je pense. Ouais, bon, si on arrive à bien se déguiser pour pas se faire reconnaître, plutôt que ça se trouve, il y a des stars pour arrondir leur fin de mois, ils font les clowns dans les cirques. Ouais, mais tu veux dire que moi, pour arrondir mes fins de mois, je vais faire le clown dans un cirque, bah, c'est ça? Tu fais le clown tous les jeudis déjà. Ah non, déjà, je ne parlais pas de toi, Gérard, je viens de te comprendre. Non, mais bah, tu fais le clown à la maison. Il y en a qui vont dans les supermarchés, hein. Bon, qui c'est qui... Il y en a une là, tout à l'heure, je vais la massacrer. J'étais à l'antenne, je ne savais pas. Alors, Anne Poitler, non, pas Anne Poitler, Anne, je sais pas quoi, là, d'Ajaccio... Anne Leclerc. Ouais. Anne Leclerc de Mashtok Machin Sweat d'Ajaccio... Voilà. La gala. Alors, vas-y. Non, mais je pense qu'on peut être star et clown en même temps, parce que je pense que tu peux être... Mais attends, oh. Oui. Tu veux dire, tu vas me sortir quoi? Que je suis clown en même temps et tout? Ah voilà, tu vois, tu m'as sorti le mot de la bouche. Ah ouais, parce que je suis un clown. Attends, je vais m'occuper de ton matricule tout à l'heure. Tu me laisses pas répondre et m'exprimer et répondre aux questions en même temps. Ouais, bah attends, pour l'instant... Non, mais pour l'instant, je suis dans tes débats. Donc voilà, pour l'instant, moi je te dis. Tu vas te mettre autre chose dans la bouche après. Moi, je vais te dire une chose, que pour l'instant, tu es en train de me dire que je suis clown en même temps, c'est ça? Non, mais je voulais te dire que t'es bien posé pour poser ce genre de questions, parce que toi, t'es déjà un clown dans la maison, quoi. Mais non! Bah, voilà. Quand t'es avec ta copine, est-ce que tu fais le clown? Ah, bah, moi, je fais le clown du matin au soir. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, quoi. Ouais, ok. Donc, tout le monde a répondu à. Non, il y a Giant Coucou. Ah, Giant Coucou, là. Ah oui. Ben moi, je suis d'accord avec Anne. Hein. C'est vrai que... Moi, je dirais pas clown, je dirais plutôt bouffon. Alors, Giant Coucou, hein. Au revoir. Mais pourquoi? Attends, Gérard, c'est gentil. Non, au revoir. C'est un terme théâtral. Ouais, non. Bonne nuit. Je suis pas un bouffon. Au revoir. Je te kiffe, mon pote. Qui c'est qui vient de dire ça? C'est toi. Mais c'est pas grave, Gérard. Sur IRC, il y a Arnette et Tony qui te demandent si c'est vrai que t'as essayé de violer Punky Brewster et son chien. Non, pas du tout. Non, seulement le chien. Non plus. Il y a Monsieur Drummond qui va porter plainte pour tes attouchements sexuels avec Arnold et Willy. Ouais, bah, j'en ai rien à foutre. Il a pris que la gouvernante. Tu ferais mieux de t'occuper de ton bébé rose, d'accord? Je sais. Alors, faut-il faire de... Faire de la radio est-il une passion ou autre qu'une star? Non, Gérard, d'abord à la place de Giant Coucou, on accueille Pinocchio, 21 ans, de Anvers. Salut Gérard, je suis le frère de Pinocchio. Salut Pinocchio. Salut. Gepetto va bien? Ouais. Gepetto aussi. Bon alors, tu réponds à la question? Bah je peux pas. Bah tu peux pas, bah alors dans ces cas-là, c'est pas j'ai la peine. J'ai pas entendu la question, j'ai pas entendu. Hop. Eh ben, tu retournes voir Apolline. Ah, t'es dur, GG, hein. Ouais, la question, GG. Non, mais de manière, on a bien précisé, et ça, toutes les semaines, je le dis, je ne répète plus les questions parce que je perds trop mon temps. Alors maintenant, où vous entendez les questions, même quand vous êtes en antenne, Apolline vous les redit, ok? Je peux faire une exception, quand même. Non. Eh ben tiens, Anne Leclerc, tu vas répondre. Allô? Oui, Gérard? Anne Leclerc? Oui? Allô? Manu! C'est pas moi! Ça vient pas mais de non, moi. Mais c'est des défaillances techniques! Vas-y, continue, Gérard. T'en prie. Oh là là! Putain, mais c'est quoi ce bordel là ce soir? Continue, c'est pas grave. Non, mais là, les deux débats, c'est de la merde! C'est de la merde! Non, mais c'est bon, j'ai vas-y. Je m'adresse à la direction de phone, hein, même aux techniciens. Faites quelque chose pour que la semaine prochaine, on puisse avoir du son correct. Parce que là, entre le standard et l'aria, c'est de la catastrophe. Gérard, alors faites bon quelque chose. Ta gueule toi-même, connard. Ah bah comme ça, on est servi, hein. Alors, Anne Leclerc. Oui. Allô. Oui, je t'écoute. Oui, tu voulais me poser une question. Oui. Oui, bah vas-y, je t'écoute. Ben, attends. Gérard, il est bon le son. Oh là là là, mais merde. Bon, c'est allez pas hop. Grave, je t'écoute, Gérard. Non, non, Gégé, c'est bon, vas-y. Bon, alors. Allô. Tu peux répondre à la question. Oui. Bah alors, vas-y. Bah répète-la moi. Oh bah non. Ouais, non, mais j'ai... Non, Apolline, ça commence à bien faire. Mais est-ce que c'est de ma faute maintenant? C'est Manu. J'ai rien fait, Gérard, ce soir, c'est nickel. Non, attends. Hey. Oh non, mais moi je fais confusion, j'arrête. Non, fais la dernière question. La neuvième, c'est faire de la radio. Est-il une passion ou autre qu'une star? On va demander à Anne Leclerc. Oui, bah écoute, je pense que faire de la radio, oui, ça peut être une passion de star, puisque toi, apparemment, t'es devenue une star réputée, et je pense que ça marche bien pour toi, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et je sais pas si ta copine est devenue aussi une star comme toi, mais bon, je pense que qu'on peut devenir une star. D'accord. Surtout avec un physique de radio, hein. Comment? Surtout avec un physique de radio, parce que c'est pas pareil que pour la télé. Non, mais je pense que le physique n'a rien à voir avec le fait de faire de la radio, hein. Tu peux très bien faire de la radio. Il faut quand même avoir un physique de radio, moi, pour en faire, hein, contrairement à la télé, hein. Je suis pas d'accord avec toi. Bon, Florian Gazan. Mais chacun est différent, hein. Florian, tu veux répondre? Ouais, moi je pense que je te dis que pour faire de la radio, bon, bah, faut avoir un physique quand même spécial, parce que à la télé c'est un peu n'importe qui en fait, en fait. Et alors que la radio c'est une passion et il faut avoir des aptitudes. Je crois que c'est plus difficile que la télé en fait quand on y pense quelque part, parce que à la télé bon ben bah, on peut compenser avec un peu ce qu'on a à montrer, alors que la radio ben bah, ça joue un peu avec ce qu'on a à dire. Et des fois, il y en a qui n'ont rien à dire et quand même qui font des carrières de stars en radio. Non, mais je pense que... Même tu penses à qui? Tu penses à qui en disant ça? Je peux pas trop dire des noms parce que, bon, bah, je crois que on est qui pour juger, d'abord. Donc, tu veux faire allusion à moi? Non, pas du tout, Gérard. Je pense que toi, justement, t'as beaucoup de talent et tu le démontres tous les jeudis soirs. Je veux dire, ça monte chaque semaine et c'est pas un hasard. Ah non, mais ouais. Moi... Attends, Florian, moi... Florian. Ouais. Moi, je vais te dire une chose, c'est pas moi qui ai décidé de faire les débats tous les jeudis. C'est... Tu sais très bien qui c'est Max. C'est lui qui a voulu qu'on fasse ça tous les jeudis. Et ouais, maintenant, tous les 15 jours, il y aura les conseils de Sandy. Et il y aura une nuit de minuit à 3h avec les conseils de Sandy et Gérard. On ne sait pas quand, je crois que c'est prévu pour le mois prochain. On n'a pas encore la date fixe, mais je pense que... En juillet. Ouais, mon pied dans le cul, toi, ça va être en juillet tout à l'heure. Aïe, ça va faire mal. Pinocchio. Pinocchio, parce que après, on arrête. Non, mais moi, je suis d'accord avec ce qu'on dit les autres, mais plutôt en fin de semaine. C'est-à-dire? La fin de semaine, c'est le vendredi, samedi, dimanche. Non mais attends, tu crois pas que Max il va m'autoriser de faire minuit 3h le vendredi? Alors tu viens pas, le vendredi, donc je pense pas qu'il va m'accorder l'antenne de minuit à 3h. Là pour pas rêver, pas croire au Père Noël. Et si tu parce que le Père Noël est tombe à 25 décembre et moi je crois pas au Père Noël que le vendredi de minuit à 3h, je passe une émission. Mais oui, mais Gérard, pourquoi non, mais là, Gérard, on s'égare. Non, mais c'est pour répondre. Revenons à nous. Gérard, Apolline, s'il te plaît, t'évites de trop allumer ton micro pour parler. Parce que le Larsen, il y en a ras-le-bol. Ah, mais donc, ça vient pas de moi. Bon, c'est pas grave. Question suivante. Mais Gérard... Non, c'est quoi, c'était des bas, là? Gérard. Non. C'était des bas? Non. Non, c'est les miens. Okay. Donc, c'est la conclusion. Larsen. Non, parce que là... Non, mais t'as l'air... Oh là. Larsen. Bon, allez, hop, conclusion. Gérard. Conclusion, Evelyne Papierre, conclusion du débat. Conclusion du débat, j'ai cru comprendre que tu te considérais comme une star. Alors, le jour où tu seras une star, moi, je serai votre chasteté. Ouais. Arrête les débats! Sinon, je voulais dire que c'était chiant les débats avec Sandy parce qu'elle monopolise une ligne, ce qui empêche les habituels de passer, puis qu'en plus, elle a rien à dire. Alors, sinon, j'ai rien contre toi, Sandy, je t'adore. Ouais, bah alors, je vais dire une chose, Evelyne Potler. Sandy, attends, merde. C'est faux ce que tu dis. Non, mais j'adore Sandy. Moi, je vais dire une chose, elle mobilise pas une ligne parce qu'elle répond mieux que vous aux questions. La preuve, c'est que tu la fermes. Tu la fermes, d'accord? Tu l'insultes pas, ok? En de bonne entendeur, Sandy. Gérard, on s'égare, là, continue. Non, c'est terminé, c'est la conclusion. Pinocque. Gérard, tu viens de voir, t'as mis ton cul. Gérard, c'est Pinocque, hein. Putain, celui. Manu, t'as intérêt de faire gaffe parce que tu me mets, parce que tout à l'heure, je vais t'éclater ta tête. Mais j'ai rien mis, là. Parce que tu n'arrêtes pas là, c'est toi qui fous ta merde. D'habitude, t'es bien pourtant que je te mette des trucs. Ouais, mais c'est toi qui fous ta merde. Alors, fais gaffe. Parce que, au standard. C'est le bordel. Là, c'est le bordel. Ah non, ça va. Hein? Alors, en de bon entendeur, salut. C'est la dernière fois que je veux... Salut. Ça va? Il y en a ras-le-bol de la merde. Sinon, moi, jeudi prochain, vous vous démerdez. Steve Sanson. Alors, Pinocque. Oui, Gérard, mais écoute, d'abord c'est Pinocque, pas Pinocque, mais en fait, moi j'avais compris que les débats, c'était le vendredi, parce que comme j'habite en Belgique, on reçoit le débat avec un jour de retard. Allô? Oui. Je t'écoute. Tu te rappelles? En Belgique, on reçoit le débat avec un jour de retard, donc chez nous, on reçoit le débat le vendredi. Oh là là. Gérard! Fais gaffe! Qu'est-ce qu'il y a? Fais gaffe, Manu! Ah, tu vas devoir faire! T'as fait une gaffe. Tu viens de voir faire quoi? Alors, Florian Fabian. Oui. Florian Gazan, pardon. Moi, je voudrais finir avec un mini poème. Non, on fait pas de poème, on fait plus de poème. Bon, alors je veux dire, il est trop tard pour regarder la télé, il est trop tôt pour écouter la radio. Ok. super ton poème. Anne Leclerc. Oui, bah écoute, moi je voulais répondre à celle qui a dit quelque chose tout à l'heure. Donc moi je voulais lui dire que je parle peut-être pas beaucoup. Allô? Ouais, je t'écoute. C'est les défaillances techniques. Je parle peut-être pas beaucoup, mais quand je parle, je donne des bonnes réponses. Voilà. Bravo. Tu devrais passer la question pour un champion, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, bravo. Arrête. C'est bon, stop, putain. Mais merde. Oh là là, t'écoutes même pas ce que je te dis. Non, c'est Manu qui vient de te couper. Il s'amuse à mettre son pied sur le bouton. Mais il a pas fait exprès, c'est tout. Non, mais moi, je veux pas le savoir. Ah bah moi, je veux le savoir, c'est pas de sa faute. Ouais, bah peut-être, alors, dépend Manu. Ok. Merci. Conclusion. On va peut-être commencer par les conclusions de l'IRC. Ouais, parce que là, tout le monde a terminé. Donc, en conclusion, il y a Armek et Tony qui te demandent si... Ils voulaient savoir, en conclusion de débat, si dans la roue de la fortune de la vraie vie qui était tombée sur la case banqueroute. Non. Non. Et après? Et après, bah, y en a plein, hein. Y a Pierre Fouras qui dit à Rick qu'officiellement on peut pas faire rentrer les gens dans son école, mais pour cette fois ça ira. Ouais. Et puis, t'auras l'autre qui va me dire que mon débat n'avait ni queue ni tête, donc c'est pas la même. Non, elle est pas là. Non, elle est pas là. Il y a Serpentine qui m'a envoyé un fax qui m'a dit que son débat n'avait ni queue ni tête. Ouais, ben. Comme lui, ouais. Ouais, ben c'est bien. Arnett et Tony, ils voulaient aussi savoir le juste prix de la gaine de Sandy. Non. Alors là, ils vont se faire enculer. Ils vont se faire enculer, ceux-là. C'est une toile de tente. Attends, toi, tu fermes ta gueule, Poufias. D'accord. Gérard. Ah, c'est pas galant, hein. C'est qui? Moi, je t'occupe pas, espèce de pétasse. Moi aussi, c'est qui? Putain. Ok. Ok. Non, ça y est, on a terminé, moi, conclusion du débat. Donc, Apolline. Oui, Gérard. C'est la première fois que tu fais le standard. Non, la deuxième. Non, c'est la première fois. Tu me coupes tout le monde, là. Non. Mieux en mieux, hein. Terminé. Terminé. Ça passe encore. Voilà. Non, tu me la remets pas en air. Donc, conclusion, c'est la première fois que tu faisais le standard. J'ai voulu faire un essai. Apparemment, tu m'as fait de la merde. Mais tu m'as fait de la merde sur les deux. Désolé. Allô? Oui. Allô? Hé! Mais c'est pas moi! Allô? Non. Ouais, c'est bon, regarde. Allô? Tu te dépêches! Ouais, Gérard, c'est bon, regarde. Ok? D'accord, parce que là, tu fais de la merde. Hé, je fais ce que je peux. Ouais, tu fais ce que tu peux. Ça fait combien de temps que t'es dans l'équipe? Ouais, 6 mois, je crois. Ouais, 6 mois, mon cul, oui. T'es même pas capable de gérer un standard. Tous les soirs, Max, il te dit, trouve-nous des gens potables, tu lui trouves de la merde. À chaque fois, à cause de toi, faut qu'il se barre. Alors, trouve-nous des gens potables la semaine prochaine, après on discutera. Saoul. Ouais, ben moi, je vois pas que ça... Moi, je te dis, la semaine prochaine, si lundi, tu nous trouves de la merde, parce que c'est pas parce qu'il y aura plus d'art, t'as intérêt de bosser, c'est pas à Manu de le faire, c'est ton boulot. T'es dans l'équipe maintenant. Conclusion, Gérard. Non, moi je continue, moi je te dis ce que j'ai à te dire. Maintenant tu vas te démerder, c'est à toi de te démerder si tu veux rester dans l'équipe. Sinon au mois de juin, hop, basta. Ok. Hein? Et fais-moi confiance que si la semaine prochaine j'entends que Max, il se plaint qu'il n'a pas d'auditeur, je te jure, jeudi, je t'engueule encore. Encore? Ouais. Bien sûr, ils applaudissent. Ils ont raison. Parce que t'es pas capable de faire ton standard. Mais si, je suis capable. Tu nous fais de la merde. Mais non, je veux dire. T'as fait quoi cette semaine? T'as fait quoi? T'as trouvé quoi ce soir pour Max? Non, mais elle a bien bossé quand même. Hein. Ouais, attends, non. Un petit peu. Non. J'arrête. C'est pas grave, confusion. Non. Tu y as trouvé quoi ce soir comme auditeur? Pas grand chose. Hein. Non, ce soir ça a été dur, mais elle est malade. Non, elle est malade, attends. Toutes les semaines elle est malade, attends, faut pas déconner. Ouais, t'as une grippe. Ouais, Elle a la chiasse du cou. Ouais. T'as trouvé quoi ce soir comme auditeur? Tu lui fais un procès ou quoi là? Qu'est-ce que t'as trouvé comme auditeur ce soir à Max? Plein. Comment tu peux savoir? Tu sais pas. Bon, Gérard, attends, c'est pas grave, on s'égare. Non, mais attends, tu permets? Moi je vais dire une chose, je vais écouter. Ce soir t'as rien. C'est tout. Merci Manu. Hein, quoi? Ouais. Moi, ce soir, t'as rien trouvé de valable pour Max. Ok, Gérard, conclusion. Ma conclusion, c'est ce soir, ça a été de la merde, c'est dommage. Non, c'était bien. Non, ça a été de la merde, les deux. Les deux ont foiré. Non, c'est pas vrai. Les deux ont foiré. Et on a terminé à combien Je sais pas, je regarde la bande-annonce de Star Wars. Ah bah, d'accord, merci. Merci, Rigo. Alors, d'habitude, tu nous fais du bon boulot, et là, ce soir, t'as pas été capable de me dire combien qu'on terminait. Alors, là, vous allez... Bon, on va regarder quand même. Attends, on peut regarder quand même. On va donner un petit chiffre, pour faire plaisir. Non, attendez. Oh, presque. Oh là là, 9999. Oh non, Ah, non. Elle a battu encore son record.